spéciale dédicace à Lucas, Samy, Julien, Maxime et Léa, et Steven et Benji, Camille et à toute la première S. Ok, spéciale dédicace à Julien, Thomas, Alex, Julie, Elvinas, Roger, Eric, Marion, à la TLB et Florent Souci. Et à toute la TSE. Sans oublier Maxime et son rap des légumes avec ou sans agrumes. Sans oublier l'essentiel, le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule qui est fait que je suis là. Et en fait, Alexis, j'ai failli t'oublier. Yeah, un pack lyrical. Lyricalement présent.